falsa, ¿no? Je vais me partir sur le 1. Maintenant, j'ai trouvé une technique, j'enregistre un truc. Attends. J'essaye de... Tu vois, métronome enable, métronome disable. Enable ?